il est clair que je ne vais pas aller piocher dans les notes de bas de page et dans les petits détails psychothérapeutiques. Mais dès que vous voyez que ça touche à des phénomènes de communication et qui aujourd'hui sont encore valables, il est clair que ça, ce sont des notions que je vous demande de comprendre et de pouvoir expliquer. Donc, les axiomes de la com, je veux dire, c'est plus que du tuyau, c'est clair que ça vous décartez. Les problématiques, vous y êtes pas encore, c'est vers la fin du bouquin, de double contrainte, ce sont des choses qui sont des phénomènes de communication qui sont aussi importants. D'accord ? Donc, appréhendez-le sous cet angle-là. Qu'est-ce que, chaque fois que vous allez lire et vous dire, ah oui, tiens, maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu ça avec telle personne, eh bien, vous êtes dans de la com. Chaque fois que vous avez ce réflexe-là, c'est bon. Merci. Okay. Merci.